la personne qui vient de prendre l'écoute, nous sommes depuis 8h30 avec vous déjà ce matin pour la phrase mystérieuse. On a François de Noville, Françoise de Noville-les-Bois qui essaye de réussir cette phrase. Merci de votre participation. Et également quelques autres auditeurs qui nous téléphonent pour nous dire un petit bonjour et essayer de trouver ces mots qui nous manquent dans cette phrase mystère. Des chocolats vous attendent également, un cadeau surprise. J'en procède toujours au téléphone, hein. Vous pouvez lui téléphoner pour vos questions, vos réponses, également soumettre quelques idées que vous avez eues tout au long de ces 15 jours de phrases mystérieuses. Pour les activités de Radio Chevaucheur, on va continuer tout doucement et puis je vous passe à un chanteur qui sera avec nous le 16 mars à Radio Chevaucheur et puis on retrouvera les anniversaires People et le 16 mars nous aurons le chanteur Baldo que vous voyez régulièrement sur la TV et Baldo sera présent à Radio Chevaucheur le 16 mars à 15h et là nous vous demandons de réserver votre place pour la guinguette de Radio Chevaucheur pour la venue de Baldo. 081 13 86 81, vous pouvez déjà réserver aujourd'hui avec Jean-François ou alors au GSM habituel. Si Micheline de Boitevillers est à l'écoute, pourrais-tu nous téléphoner, Micheline de Boitevillers? Embellir et entretenir votre propriété avec Dutch Nature. Tonte de pelouse, débroussaillage, taille de haie, taille de rosier, scarification, taille d'arbre et abattage, même dangereux. Destruction de souches, transport et destruction de déchets verts, différentes livraisons telles que gravier, écorce, mais également vos plantes, réalisation d'étangs, de parterres et bien d'autres. Tous ces travaux sont réalisés par le patron lui-même. Devis et renseignements gratuits. N'hésitez pas. Dutch Nature 0479 49 17 64. 0479 49 17 64. Dutch Nature. Nous allons donner un petit mot de la phrase mystère de quelle semaine, c'est toi qui choisis? Oh ben figure-toi que je vais choisir le 5 février, on vous donnait le mot nos émissions. Nos émissions, alors c'est pas compliqué à retrouver cette phrase mystère, vous mettez un petit peu ce qui est autour de Radio Chevauchoir. Oui c'est ça, oui passe, c'est un parcours on va dire de... qui concerne notre radio. Il faut savoir que Radio Chevaucheur va sur ses 43 ans le 6 mars. Ah oui, 43 ans, ce qui veut dire qu'on rentre dans la 44e année d'animation. Ah oui, c'est toujours comme ça que ça se passe, Isiane. Chaque fois, on est un peu perdu quand je le dis. On fête nos 43 ans, mais en réalité, on rentre dans la 44e année hein, on est en 2025, mais on est déjà au 21e siècle. Et on fait toujours ça, comme depuis 1982, le Père Tardieu avait mis ça en route le troisième week-end de juin, parce oui. qu'il faisait meilleur, et on pouvait accueillir nos auditeurs, bien sûr, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il faisait bon, donc automatiquement, on pouvait avoir un chapiteau, on pouvait faire ça en plein air. Et c'est pour ça que la date du troisième week-end de juin avait été choisie à l'époque. Et plus ou moins toutes les activités de Radio Chevauchoir, de même que le marché de Noël, est toujours le troisième week-end de quelque décembre. Chose. Voilà, par exemple, ouais, pour ne pas s'y perdre, c'est ce qu'on a fait. Troisième week-end de décembre, marché de Noël, troisième week-end de juin, l'anniversaire de la radio. Alors, on espère de vous voir prochainement à Radio Chevauchoir, mais déjà, pourquoi pas, le 23 février. Comme je vous le disais, bien les anniversaires People. Aujourd'hui, c'est Alexandra du Luxembourg. Demain, Alice Donna. Mardi, Monty. Mercredi, nous aurons Falco. Puis, nous aurons également... je dirais Rihanna, vendredi Nina Simone, samedi James Bond et vendredi et dimanche prochain Avaro. Quel monde d'acteurs, hein. Oui, mais il y a des anniversaires, quoi. Rihanna, ben, je pense que c'est la plus connue, hein. Mais dans les autres noms, il y a Nina Simone, par exemple, c'est très beau aussi. Oui, il y a beaucoup de nouveaux, hein. Ouais, ouais. Mais Nina Simone, c'est une des anciennes chansons, Lisiane, en réalité. C'est les années 60. Mais je ne sais pas si je parle sur le moment. Oui, oui, t'es toujours sur l'antenne. Ah, excuse-moi. Je t'écoutais, mais je fais la technique en même temps. Oui, excuse-moi. Alors, il faut que je regarde un petit peu mes boutons et en même temps te parler. Voilà, je ne savais pas si j'allais mettre à droite ou à gauche. Ah ben, je suis au centre. On va écouter Mika, tiens. Voilà, c'était Mika avec Jane Birkin. Je ne connaissais pas cette chanson. Ah ben, je viens de découvrir. Alors, Lisiane, le téléphone a encore retenti, mais on n'a toujours rien au niveau de la phrase mystère. Donc, s'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de gagnant, n'est-ce pas? Non. Tant pis, hein. On fera avec, hein. On fera avec, hein. De toute façon, le principal, c'est de participer. Et quand vous verrez à la fin ce qu'on va vous dévoiler comme lot, s'il n'y a pas de gagnant, il va y avoir des tristes, hein, dans l'histoire. Ah, ça arrivera. Et oui, malheureusement. Alors, on va continuer avec les activités de Radio Chevaucheur. Et prochainement, nous aurons Cathy Minet et Patrick Duquenois. Ce sera le 30 mars à Radio Chevaucheur. Et en parlant de Patrick Duquenois, on pourra le retrouver également à Walsall. Le 22 mars pour la soirée raclette annuelle, hein, comme ils font chaque année à Walsall. Le comité de jumelage, voilà, Walsall-Noiset, organise son repas raclette le 22 mars prochain dès 19h. Vous pouvez réserver ici, puisqu'on sera de la partie, et comme ça, bon, plus on est fou, plus on s'amuse, et puis ce sera l'occasion aussi de découvrir d'autres personnes et de parler avec d'autres personnes, et puis de profiter d'une animation musicale tout à fait bien sympathique, Lisiane. Et on s'inscrit au 0477 59 48 43. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans. Envie de venir avec l'équipe du Chevauchoir, ce 22 mars. Vous pouvez réserver votre soirée raclette auprès de Lisiane. L'animation sera assurée par Patrick Duquenois. N'hésitez pas. Renseignement 0477 59 48 43. 0477 59 48 43. Participez à la phrase mystère. À l'occasion de la Saint-Valentin, votre radio vous propose des mots à relever durant les émissions du 2 au 15 février. Un mot par jour vous sera dévoilé, à vous de les récupérer pour nous recréer cette phrase mystère et nous la soumettre le dimanche 16 février de 8h30 à 9h30 au 081 13 86 80. Une phrase par habitation. À la clé des chocolats et une surprise. La phrase mystère, alors on attend vos appels téléphoniques, il y a déjà 3 mots qui sont sortis d'aujourd'hui. Ça rame, hein. Allez Jean-François, qu'est-ce que tu nous as dit comme 3 mots? Oh, je ne sais plus, moi je vous ai le dit... Le cercle, j'ai entendu. Le cercle, oui, le mot crise également, que j'ai donné, et le mot, nos émissions, NOS, émission. Émission comme une émission, voilà. Donc, voilà, on en cherche combien? Je sais plus moi, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, il y a 18 mots en tout en réalité. Il y a eu 18 jours? Non, il n'y a pas eu 18 jours, mais il y a eu certains mots, par exemple, comme nos émissions, je considère que c'est 2 mots. Ah oui, d'accord, donc ok. C'est comme ça, mais sinon, du 2 février au 15 février, donc ça fait 13 jours exactement. 13 jours de mots 14, que vous deviez trouver, alors vous pouvez encore nous appeler jusqu'à 9h30, il vous reste un petit quart d'heure. Hein. Oui, c'est tout petit. On va écouter une chanson et puis on revient avec nos voyages. Certainement. La deuxième fois. Deux voix pour vous servir aujourd'hui à Radio Chevauchoir jusqu'à 9h30. Hein. Ah, ça diminue pour cette phrase mystère. Et quand je vois à l'extérieur, l'hiver est là, mais le soleil fait aussi partie. Ah, il est beau le soleil. Ah, il est magnifique. D'ailleurs, moi je dis toujours que ma partie préférée de l'hiver, hein, Lisanne, c'est quand il est fini. La la la la la la la la la la. 0 91 13 86 81. Téléphonez-nous. Alors, si vous voulez les petits programmes de Radio Chevauchoir, vous pouvez toujours nous les demander et ou alors directement aller sur le site. Hein. Oui, hein, www.radiochevauchoir.be. Agenda. Tout est indiqué dans l'agenda, toutes nos activités, nos excursions d'un jour, de plusieurs jours, enfin tout est indiqué sur le site internet. Et pour la petite info, je vais vous donner un scoop, hein, Lisanne, c'est que le nouveau site est en route. Donc on est en train de travailler pour créer un nouveau site internet. Alors. Je te surprends là. Hein. Tu ne le savais pas? Si, je le savais. Ah, ben c'est voilà. Mais je l'ai dit trop vite, peut-être. Oui, c'est rien, c'est pas grave. Nous allons parler de nos petits voyages qu'on fait prochainement, en espérant que nos auditeurs seront de la partie. Sera pour le 1er, le 2 novembre. Pourquoi aussitôt? Parce qu'il faut savoir qu'il y a CroisiEurope, 80 bateaux qui démarrent le même jour, à la même place, et naturellement, tous les bateaux sont déjà complets. Il en reste que pour... Ben pour quelques personnes, pour nous autres, quoi. On va voilà. Dire ça comme ça. Donc, Alors, ici, ben, la réservation doit se faire pour le 20 février, malheureusement, si nous n'avons pas les personnes et le... l'argent pour le 20 février, au moins un acompte, eh bien, on sera obligé malheureusement d'annuler le voyage. Alors, le principe de ce voyage pour aller en mini croisière, c'est de Strasbourg, je dis bien, oui. Strasbourg, oui. Et on va jusqu'à Coblenz. Coblenz, oui. Voilà, et puis on revient à Strasbourg, ah, on passe mieux. Une nuit sur le bateau. Oui. On a le... Ben, on a déjà l'accueil. On va partir aujourd'hui de matin, par voilà. exemple. Oui, oui. On part le matin de Chevauchoir, on arrive dans l'après-midi, embarquement vers 15h, je pense, dans ces eaux-là, voilà. Hein, si je me trompe pas. Donc là, ben, vous avez des hôtesses qui vous accompagnent avec vos valises. Vous ne portez pas vos valises, en réalité, une fois que vous êtes sur le bateau, une hôtesse vous accompagne jusqu'à votre cabine. On parle de cabine, on ne parle pas de chambre sur un bateau, Lisanne. C'est ça. Non, hein, c'est une cabine. C'est une cabine. Avec douche, WC, privé, tout. Hein. Oui, tout est privatif, bien entendu. Vous pouvez déjà aller voir peut-être sur le site. Hein, c'est... Ah oui, parce que c'est très bien fait, c'est très tout confort. Et puis, ben, on aura le petit mot du capitaine, je pense. Et puis, voilà, oui, au salon bar. Et puis, nous avons, comme tu dis... L'animation déjà dans l'après-midi. Hein. Dans l'après-midi, où les personnes qui veulent aller au-dessus du bateau voir déjà défiler l'eau. Oui, parce qu'on se met en route tout de suite, passage de différentes écluses. C'est sur le Rhin. Hein. Oui, c'est sur le Rhin, oui. Je ne sais pas si c'est le gauche ou le droit, mais c'est sur le Rhin. C'est toujours en Rhin. Et alors, et puis soir, en soirée, voilà, donc on a le repas. On a le repas du soir, trois services. Et, oui, et puis c'est soirée thème années 80, je pense. Des années 80, oui. C'est génial. Et puis il y a des petits jeux sur les bateaux avec des bouteilles à gagner, des cocktails, des apéritifs, et c'est là. C'est assez chouette d'ailleurs, si vous ne l'avez jamais fait. Franchement, il faut se mettre dans l'ambiance. Il y a une bonne humeur là-dedans. Les hôtesses sont charmantes. Hein. Je veux dire, tout le monde est bien sympathique. Et je vous prie de croire que vous passez un bon moment que vous n'oublierez pas. Alors, nous dormons bien sûr à Coblenz. Et là, le bateau est à l'arrêt. Il est à quai, il est amarré pour la nuit, donc on ne circule pas de nuit. Alors, on fait demi-tour. Le lendemain matin. Ça fait drôle. Oui, surtout quand on est dans la douche. Oui, ça fait bizarre. Hein, ça fait bizarre. Surtout un auditeur qui se reconnaîtra. Et le lendemain matin, le petit déjeuner. Puis vous faites ce que vous voulez ou vous restez dans le salon bar, hein, oui. Qui sera toujours ouvert. Le petit magasin également sur le bateau. Oui, ben, un magasin souvenir, hein, très chouette aussi. Hein, donc, et nous irons dîner. Oui, un repas de midi, trois services, mais un plat différent, naturellement. Pas le même. Et puis après, à 15h, c'est le débarquement. Oui, donc là, on arrive de nouveau à Strasbourg. Et puis on reprend le car et on revient entier. Voilà pour la Belgique. Si vous voulez vous inscrire, le prix c'est de... Ah, j'ai oublié le prix, par contre, c'est, je crois que c'est 300... 86, je crois. Ouais. Oui, j'ai oublié le prix, je peux aller chercher une feuille, si tu veux. J'ai mal préparé l'émission, là, sur ce coup-là. Ah oui, bah, donc, je crois que je l'ai ici. Ah, tu dois l'avoir quelque part, oui, oui. Voilà. Je confonds toujours le prix, c'est 386 €, parce que je confonds toujours le prix avec... Et si vous voulez une chambre single, eh bien, ce sera un peu plus cher, naturellement. Votre dernière réponse pour la phrase mystère, on vous attend. Voyage et balade en bateau. Le week-end du 1er et 2 novembre 2025. Départ de nos locaux en autocar dans la matinée, arrivée à Strasbourg dans l'après-midi. 15 heures embarquement à bord et installation par une hôtesse dans votre cabine, ensuite rendez-vous dans le grand salon et que la croisière commence. Dans votre prix de 386 €, vous aurez la pension complète sans les boissons. Cuisine française raffinée, dîner et soirée dansant. Différentes animations à bord, Wi-Fi gratuit, assurance, assistance, rapatriement, taxes portuaires incluses. À payer pour ce 20 février. Attention, les tickets sont nominatifs. Renseignements. 0477 59 48 43. 0477 59 48 43. Voilà, on va clôturer la phrase mystère, hein, Jean-François. Mais on va parler peut-être du voyage pour l'Alsace. Et puis, oui. On clôturera la phrase mystère. Et le voyage en Alsace, c'est 4 jours du 9 mai au 12 mai. C'est bien cela. Et alors là, vous avez en demi-pension 3 dîners, 3 petits déjeuners, 3 nuits. Les excursions parlent de l'Ève tôt le matin. On va... On fait plusieurs arrêts naturellement en descendant sur Strasbourg, je crois. On va descendre par le col du Bonhomme. Et je pense qu'on fera un arrêt midi, début d'après-midi là sur Kaisersberg. Et puis on laisse le temps libre, et puis on ira à l'hôtel. Rejoindre là, l'hôtel. Là, vous avez le repas du soir. Service naturellement. Ouais. Le logement. Le lendemain matin, on reprend petit déjeuner, naturellement, notre hôtesse, hein. Oui. On court pas, hein. On va aller au marché de Bernay. Oui, qui n'est pas loin, en plus. Puis, nous irons à la maison du pain d'épices. Oui, c'est tout près aussi. Et puis, de là, on repartira sur la ville de Colmar. Très belle ville, hein, le vieux Colmar, hein. C'est magnifique. Vous pouvez, franchement, on peut pas s'y perdre, mais vous pouvez faire des photos splendides. En plus, au mois de mai, c'est déjà tout garni en floraison des estivales. Donc, c'est vraiment très, très beau à voir. Ça change de l'hiver, hein. Oui, ça change, parce que c'est vrai que c'est des villes qu'on fait toujours au moment des marchés de Noël. Eh bien, franchement, si vous allez en période estivale, ça vaut vraiment la peine. Et alors, les musées et autres sont ouverts. Vous pourrez faire un tour sur le vieux Venise, hein. Oui, c'est la petite Venise. Non, la petite Venise. C'est pas c'est la petite Venise, ils appellent ça, je sais plus comment ils appellent ça. Mais c'est pas la Venise de Nord, c'est Bruges. Mais non, là-bas, c'est la petite Venise. Voilà. La petite Venise. Et puis, on revient à l'hôtel pour le repas du soir, le logement. Le lendemain matin, on reprend le petit déjeuner. Et là, on va dans d'autres villes ou villages. Oui. Non, pas Kaisersberg. Riquewihr, par exemple. Et tous les alentours. Les alentours, les vignobles, hein, qui sont là. C'est, oui. En réalité, c'est toute la route des vins. Hein, voilà. Très très beau à voir, des très beaux paysages. Un café à vin, si on a encore le temps. Oui, ah, ça c'est très important ça. Et puis le repas du soir, le logement, les petites valises, et puis on repartira si... Sur la Belgique quoi, à son aise. Hein. Ça, à son aise. À son aise. Peut-être le chauffeur nous fera peut-être découvrir quelque chose d'autre. Ah, on ne sait jamais. Ah, on a des petites surprises de temps en temps. De temps en temps, ça fait du bien. Et alors, je veux dire, les excursions peuvent varier de jour, bien entendu. Ici, c'est globalement qu'on vous dise qu'on va faire ci, ça, ça et ça. Mais ça peut être le troisième jour ou le deuxième, ainsi de suite. Hein. Donc ça, ne vous tracassez pas. Et alors là, on attend absolument un acompte aussi, puisque là, c'est un budget de 436 € par personne en chambre double. Hein. Donc nous existons bien en chambre double. Et on attend vos paiements pour la réservation à l'hôtel. Et si vous le souhaitez, vous pouvez payer en plusieurs fois, en plusieurs tranches. Donc vous pouvez par exemple donner 100 € ce mois-ci, 100 € le mois prochain, on sera en mars, 100 € en avril. Et puis vous donnez le solde fin avril, par exemple, vous donnez Voilà, comme ça vous avez de quoi faire et pouvoir répartir pour les personnes qui ont des budgets plus restreints. Bien sûr, la taxe de séjour n'est pas comprise dedans, mais c'est 89 cents par jour. Oui, par nuit. Et puis, vous n'aurez pas vos boissons, naturellement. Non, ça, oui. À part la carafe d'eau, comme ils font d'habitude. Oui. Et vous aurez bien les personnels. Hein. Oui. La dépense personnelle. Ah oui, mais tout ce qui est cadeau. Ah bah oui, je vais pas aller dans le portefeuille pour offrir un cadeau d'une autre personne à une autre personne. Hein. Ça, c'est un vrai, hein, madame. Voilà, et vous avez tout compris, le voyage, les nuits d'hôtel, les repas, et bien sûr, toutes les excursions comprises à un prix très démocratique, parce qu'on est concurrent des prix. Ah oui, on est concurrentiel, donc 436 euros par personne, c'est vraiment pas cher. En plus, vous avez un parking privé ici qui est sécurisé, il y a des caméras de surveillance, il y a tout ce qu'il faut, donc parking privé ici qui ne vous coûte strictement rien. Donc là, vous pouvez laisser votre voiture en toute sécurité. Et puis, on démarre d'ici, il n'y a pas de ramassage en descendant, donc tout le monde part d'ici. Et on est parti tous ensemble, on gagne du temps sur la durée du séjour. Alors, on écoute Sarah, puis on revient avec... Attention, on est en retard, hein, on est 32 minutes là. Oui, ouais. Et puis on vient avec la phrase mystère et on clôture. C'est bien cela, madame. C'était Sarah sur les antennes de Radio Chevauchard. On clôture déjà cette heure d'émission de la phrase mystère. Malheureusement, nous n'avons pas eu de gagnant. Beaucoup de mots manquent à nos auditeurs. C'est un petit peu dommage car nous avions au moins 13 mots, c'est ça, hein? 13 jours. Oui, 13 jours, voilà. Donc ça passait deux fois par jour. Donc il y avait moyen de faire, hein, mais bon, c'est pas grave. Au moins vous avez participé. Même s'il n'y a pas de gagnant, il y a eu des participants, c'est le principal. Alors la phrase mystérieuse, Jean-François va nous la lire dans l'ordre. Dans l'ordre des choses. Notre ASBL est une chaîne d'amitié. Durant nos émissions, le cercle s'agrandit. À chaque crise que nous affrontons, il se renforce. Point final. Voilà, malheureusement, nous n'avons pas eu de gagnant pour la boîte de chocolat. Ça, je la mangerai bien. Oui, Je la partagerai avec nos animateurs, naturellement. Bon, tu peux partager rien qu'avec moi, il n'y a pas de malaise. Hein. Et alors, nous avions également la possibilité de vous rendre visite avec une bonne tarte. Oui, parce que le but de la manœuvre, la surprise, c'était ça, Lisanne, c'est qu'on allait se rendre chez le gagnant avec une tarte, comme tu dis, hein, pour le café de 4 heures, et avec 50 euros de jeu à gratter. Voilà. Donc, c'était ça, la surprise, en plus des chocolats, bien entendu. Et le bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin, comme on était du week-end de Saint-Valentin. Voilà. Mais c'est un peu dommage, mais tant pis. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Je l'espère. On essayera une fois une phrase mystère sur un autre thème. À bientôt. À bientôt et merci d'avoir participé à cette phrase mystère. À tantôt, Lisanne, pour le bingo. À tantôt. Voilà pour les personnes qui prennent l'écoute en ce moment. C'est Lisanne avec vous jusqu'à midi pour l'apéritif Musette sur la 105.5 www.radiochevauchoir.be. Nos internautes qui sont à l'écoute en ce moment. Marraine d'émission Loulou d'Ivoire, Didier et Françoise de Noville, Josette et Émile de Bioule, Alain Denis de Malone, Nicole d'Andois, Papy Georges, Luz de Métain, Nicole de Salzine, Simone de Denis, Robert et Yves, Gisèle de Gève, Karine et David, François et Monique de Dorine, Mimi de Crépin, Eliane de Profondville, Monique de Buzet, Marie-Josée du Gaunois. Merci parrain et marraine de votre parrainage et bien sûr une belle journée à l'écoute de Radio Chevauchoir. En ce jour particulier, la direction de Radio Chevauchoir et ses bénévoles vous souhaitent un bon, heureux et surtout, joyeux anniversaire. Je peux pas me bouger, je fais.